Tous les matins pour ma paye, je me vêle. Tous les matins pour ma paye, je me vêle. Tous les matins pour ma paye, je me vêle. Tous les matins pour ma paye, je me vêle. Règle numéro 1 le matin, je sors les poches vides. Règle numéro 2, faut que je reste chez WAM, les poches big. Cœur de lion, j'ai l'œil du tigre. Sorti comme la drogue dans ma ville. Smith et Wesson comme mille. Obligatoire dans le mille. Mickey Mac comme mille. J'te viscère comme deal. Oxen hostile. J'connais personne dans ce mille. J'connais personne dans ce mille. Motivé par la gratte de P-Tip. J'faisais des pages, j'prenais mille. Père de Prada, joint de weed. Ma misère me pousse comme Adidas. Lunettes masque antivirus. Et le rap band comme Adidas. J'suis trop loin pour ce minus. La misère me pousse comme Adidas. Lunettes masque antivirus. Et le rap band comme Adidas. J'suis trop loin pour ce minus. Pour ma paye, j'me vêle. Tous les matins pour ma paye, j'me vêle. Tous les matins pour ma paye, j'me vêle. Ouais, tu fais avec moi. Tous les matins pour ma paye, je me vêle. Quoi qu'il arrive, on sait pas taïr. Que l'on fasse ou fasse baladif. Tu caches trop de sim, ça te rend maladif. La seule force se trouve dans le regard d'ami. Heureusement pour eux, je la canalise. Je débarque de la meca dans la valise. Mais c'est mes peu ça qu'ils analysent. Haja normal, gros, c'est ça maïr. J'ragage, je peux rassou cannabis. La concurrence m'appelle le tanazis. Masqué ganté, je laisse au cannabis. Masqué ganté, je laisse au cannabis. Que voulez-vous que je vous dise? La devise, c'est pour la devise. Tu chantes au poste comme un choriste. Le rap, je le fuck comme la police. Devant la violence, ils fournissent. Le coup, ne manque pas de tonus. Et dans le malus qu'on est bonus. Et devant mon phallus que t'es focus. Devant la violence, ils fournissent. Le coup, ne manque pas de tonus. Et dans le malus qu'on est bonus. Et devant mon phallus que t'es focus. Le matin pour ma paye, je me vêle. Tous les matins pour ma paye, je me vêle. Tous les matins pour ma paye, je me vêle. Tous les matins pour ma paye, je me vêle. C'est parti les gars, on y va. RAS pour l'instant, c'est sécurisé à droite. Porte à gauche.